إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui dans la troisième partie de la lecture du livre du Cheikh Ubayd al-Jabiri, حفظه الله, الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل. C'est-à-dire, يعني, la limite qui tranche entre l'attitude dont qu'on doit avoir envers les gens de la sunna et l'attitude qu'on doit avoir envers les gens de la fausseté. Et donc, on commence maintenant avec la question numéro 5 qui a été posée au Cheikh Ubayd, qui est la question suivante. Naam. As-su'al al-khamis. Ahsan Allahu ilaykum wa baraka fikum. Hadha sa'il yas'al ويقول هناك قصاصون على الساحة الدعوية من أمثال سعيد بن مسفر والدويش والعريفي والجبيلان وغيرهم، كيف يتعامل مع أشرطتهم التي هي مجرد قصص وتشويق وفكاهات؟ فهل ينصح بسماعها؟ بارك الله فيكم. Donc la question a été posée au Cheikh Ubayd. On lui demande au sujet de ceux qui sont des conteurs, c'est-à-dire il y en a parmi les gens qui sont sur la scène de la da'wa et qu'on appelle des qussas, al-qussasun, c'est-à-dire des gens qui ne font que raconter des histoires aux gens dans leurs cours. Ils font des conférences et ils racontent aux gens des histoires, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé à un tel, qu'est-ce qui est arrivé à un tel. Ils racontent des histoires ou des contes, des anecdotes, des blagues, pour faire rire les gens. Donc, c'est ça la question qu'on a posée au Cheikh à propos de certains individus parmi eux. Et il mentionne des noms comme par exemple Saïd ibn Musfir et Ad-Duwaysh. Et Al-Urayfi, Mohamed Al-Arifi, et Al-Jubaylan et d'autres. Donc il demande la question, comment on doit agir avec les cassettes de ces individus qui ne font que raconter des contes et des histoires et des blagues, des histoires de ce genre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous donnez le conseil de les écouter? Barakallahu fikum. Donc le Cheikh Ubayd, il répond et il dit: أقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وسائر أصحابه وأئمة العلم والدين والإيمان من بعده من أهل القرون المفضلة ومن هو على النهج، هديهم هو تقرير قواعد الدين وأصوله الكلية، يأمرون بالتوحيد ويقررونه للناس بابا بابا، وينهون عن الشرك ويحذرون منه ويفصلون فيه تفصيلا حتى تكون الأمة على حذر منه، كما أنهم أيضا لا يدعون الأمر بجميع فرائض الدين العلمية، ويبينون للناس الحلال والحرام، وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي والبدع والمحدثات في الدين. وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب. Donc le cheikh il commence sa réponse en disant: je dis que la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la guidance de ses successeurs et du reste de ses compagnons et des imams de la science et de la religion et de la foi après lui et parmi les siècles ou les générations préférées, hein, parmi les générations après lui qui sont venues parmi les générations préférées al-mufaddala, et ceux qui ont suivi cette voie par la suite, voici leur guidance. Leur guidance, c'est d'établir et de confirmer les règles de la religion et les fondements généraux de la religion. Et ils ordonnent le tawhid. Ils établissent le tawhid fermement en les gens. Ils leur enseignent le tawhid et ils établissent en eux le tawhid de façon ferme, en leur expliquant comme il faut, chapitre après chapitre. Et ils leur interdisent le shirk, et ils les avertissent contre le shirk. Et ils détaillent à ce sujet-là de façon très détaillée. Et ils clarifient les choses en détail sur ces questions, hein, sur le tawhid et sur le shirk, pour que la umma soit sur ses gardes, hein, vis-à-vis du shirk. Et de la même manière également qu'ils ne laissent aucun des différentes obligations de la religion sur le plan de la pratique. لا يدعون الأمر بجميع فرائض الدين العملية ويبينون للناس الحلال والحرام. Ils expliquent aux gens le halal et le haram. De même qu'ils interdisent aux gens tous les péchés et les innovations et les choses inventées dans la religion. Et il est possible en même temps qu'on retrouve dans leurs discours et dans leurs paroles certaines exhortations dans le but de les inciter à faire le bien et de les décourager ou de leur faire peur de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il explique, il dit: ومن هنا نقول إن الوعاظ قسمان قسم على ما سبق من تقرير أصول الدين وقواعد الكلية بالدليل ويكون في مواعظهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب تذكير بالموت الاستعداد للجنة الحذر من النار ولكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد وتأصيل الأصول قليل ولكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد وتأصيل الأصول قليل. Donc le cheikh il explique et il dit il y a une catégorie, hein, donc les gens qui font l'exhortation, hein, et qui exhortent les gens, qui leur font des rappels, ils sont de deux catégories. La première catégorie, c'est comme on a expliqué précédemment, c'est-à-dire que ce sont ceux qui établissent les fondements de la religion pour les gens et qui leur clarifient et qui leur expliquent les règles fondamentales de l'islam avec la preuve, hein, avec leurs preuves. Et ils ont en même temps, parfois dans leurs discours, dans leurs sermons, il y a des exhortations. Et ils font également du tarhib et du tarhib, c'est-à-dire ils incitent les gens à faire des bonnes œuvres en leur rappelant les mérites de ces œuvres et les récompenses de ces bonnes œuvres et il les incite à s'écarter des péchés en leur mentionnant les punitions qui sont préparées pour ceux qui font ces péchés-là et en leur mentionnant les versets qui mentionnent l'enfer et ainsi de suite. Et il leur rappelle également qu'est-ce qui a rapport avec la mort, de se préparer à la mort, de se préparer pour le paradis, de faire attention par rapport à l'enfer, de prendre garde à l'enfer. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on peut retrouver également dans leur discours et dans leur sermon, mais c'est très peu par rapport à qu'est-ce qu'ils font comme enseignement des fondements de la religion et des règles de base de la religion et des bases et des fondements de l'islam. Donc ils n'exagèrent pas dans ce domaine-là, ils le font, mais c'est peu. Ils se limitent à une petite quantité de ça par rapport aux bases et aux fondements. Ils donnent beaucoup d'importance aux principes de la religion, aux fondements et aux bases. Et il y a une autre catégorie d'exhortateurs ou de prêcheurs. Le cheikh il dit « Al-Qism al-Thani, man la ya'tanouna bitaqriri qawa'id al-din wa usuli » ولا يهتمون بالتوحيد ولا يهتمون بتوحيد ولا شرك وديدنهم كله أو جله هو كما ذكرت في سؤالك قصص وفكاهات ومجرد تشويق وترغيب خال فهؤلاء قصاصون وفي أشرطتهم مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم الشرعي الذي أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه سبيل الخيرية التامة الخيرية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Donc on va traduire jusqu'ici et on va continuer le texte. Le cheikh il explique que il y a une deuxième catégorie de gens qui font la da'wa et qui prêchent, qui font des wa'av, qui font des exhortations. Et ce sont ceux qui ne donnent aucune importance ou aucune attention à l'établissement des principes de la religion et de ses règles et de ses fondements. Et qu'ils ne donnent pas d'importance au tawhid et non plus au shirk. Ils n'enseignent pas aux gens le tawhid, ils n'enseignent pas non plus le danger du shirk. Il ne leur explique pas le shirk. Tout ce qu'ils font uniquement, c'est exactement ce que tu as mentionné dans la question. Du fait qu'ils ne font que raconter des histoires, des blagues, et juste y aller donner aux gens de l'envie et des désirs. Et de les inciter y aller à faire des bonnes œuvres en leur mentionnant les mérites. Et de les avertir contre le fait de désobéir en leur mentionnant les menaces. Mais, c'est un rappel qui est vide en réalité, puisqu'il n'est pas supporté par les fondements et les bases de la religion. Donc ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle des qussas. Des qussas. Parfois, par exemple, juste pour donner un exemple de ce que le cheikh explique ici, tu vas voir de ces prêcheurs-là qui vont, par exemple, parler au sujet de la repentance d'un individu, comment il s'est repenti, comment il vivait dans le péché. Et parfois, ils vont même dans les détails à expliquer quelle sorte de péché qu'il faisait, comment il le faisait, et ainsi de suite. Et parfois même, ils exagèrent dans cette description-là, à donner même des détails qui sont superflus, et qui pourraient même parfois avoir un effet contraire à ce qu'ils veulent. Et également, des fois, c'est d'autres exemples, d'autres histoires qu'ils racontent. Et c'est comme pour faire, comme on dit, du divertissement, pour divertir l'audience, pour divertir les gens qui les écoutent. Et non pas pour les éduquer, pour établir sur eux ou en eux des bases solides pour comprendre les fondements de leur religion. Donc ça, c'est un exemple par rapport à ce que le cheikh explique. Maintenant, on revient à ce que le cheikh il dit ici. Il dit donc que ce sont des conteurs, des raconteurs. et dans leur cassette, il n'y a que ça. et c'est une perte de temps. Et c'est quelque chose qui distrait les gens de la quête de la science, de la charia. Et on sait que la quête de la science, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé, hein, il nous a montré le bien complet et absolu qu'il y a dans la quête de la science. Et que c'est quelque chose qu'il y a, c'est quelque chose qu'il n'y a rien de meilleur pour obtenir le bonheur dans cette dunya et dans l'au-delà, puisque la quête de la science, c'est quelque chose qui comprend le bonheur de cette dunya et de l'au-delà. Et on peut le comprendre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, celui qui veut, ou celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, eh bien, il lui donne la compréhension de la religion. Le Cheikh Ubayd il dit ensuite, فَهَاُولَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْذَرُوا أَشْرِطَتَهُمْ وَكُتُبَهُمْ وَأَنْ يَحْذَرُوا مِنْهَا وَأَنْ يُحَذِّرُوا مِنْهَا أَنْ يَحْذَرُوا أَشْرِطَتَهُمْ وَكُتُبَهُمْ وَأَنْ يُحَذِّرُوا مِنْهَا لِأَنَّ التَّلْمَذَةَ عَلَيْهِمْ لَا تُورِثُ إِلَّا الْجَهْلَ وترقيق قلوب بدون علم ترقيق قلوب بدون علم. Non, donc le cheikh il explique, il dit qu'il est obligatoire donc aux musulmans de prendre garde, hein, de faire attention à ces cassettes et à ces livres, et également d'avertir contre ces cassettes et contre ces livres, parce que le fait d'étudier avec eux, eh bien ça ne donne que de l'ignorance, hein, ça ne te donne que de l'ignorance, et ça sensibilise ton cœur peut-être, mais sans aucune science. Tu vas avoir le cœur sensible lorsque tu entends parler de la foi et des choses de l'au-delà et du paradis et de l'enfer, ton cœur devient sensible, hein, mais sans aucune science derrière, sans aucune base, sans aucun fondement. Le Cheikh il dit, والله سبحانه وتعالى ما أثنى على الوعظ ثناء مجردا بل أثنى على العلم وأهله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في جوف الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. Donc le cheikh il énumère les mérites, hein, et les versets qui montrent le mérite de la science, des gens qui cherchent la science, et des ulama. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait l'exhortation uniquement de l'exhortation. Il n'a pas fait l'éloge uniquement de l'exhortation. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de la science et des gens de science, hein, pas seulement de l'exhortation sans science. Et il mentionne des versets à ce sujet-là, hein, comme le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Allah témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, de même que ses anges et ceux qui détiennent la science, parmi les hommes de science, établis en toute justice. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Tout-Puissant et le Sage. » Il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science en degré. Et il mentionne également le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est uniquement ceux qui ont, uniquement les savants parmi les serviteurs d'Allah le craignent. Uniquement les savants parmi les serviteurs d'Allah le craignent. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Na'am. Et il mentionne des hadiths sur le mérite de la science et des savants. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cherche une voie dans laquelle il va obtenir de la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter par cette voie un chemin vers le paradis. Et il mentionne un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges, les anges battent leurs ailes pour celui qui recherche la science et qui fait la quête de la science en agrément pour ce qu'il fait. En agrément pour ce qu'il fait. Donc les anges agréent la personne qui recherche la science. Et il mentionne également le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le savant, yani tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, demande pardon pour lui à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre demande le pardon pour le savant. Même les poissons qui sont au fond de l'eau demandent le pardon. Même les poissons au fond de l'eau demandent pardon pour le savant. Et il mentionne un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mérite du savant sur l'adorateur est comparable au mérite de la lune sur toutes les étoiles. Et il mentionne un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prophètes n'ont pas hérité des dinars ou des dirhams, des pièces de monnaie ou de l'argent, mais ils ont uniquement laissé en héritage la science qu'ils avaient. Donc quiconque a pris de cet héritage a pris la plus importante portion, portion la plus importante. Et il mentionne ensuite, il dit le Cheikh Ubayd, التحذير من الوعاظ والقصاص وأصحاب الفاكهات الفاكهات والقصص والقصص والأساليب المشوقة دون استناد إلى علم شرعي يقرر منه أصول الدين وقواعده الكلية هؤلاء يحذر منهم ويحذر ويحذرون لأنهم لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. Donc le cheikh il dit qu'il faut mettre en garde contre ce genre d'exhortateurs, ce genre de conteurs d'histoire, ce genre de gens qui font des blagues, au nom de la da'wah, des comédiens ou des blagueurs, au nom de la da'wah. Parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils font. Quand ils font des conférences, ils ne font qu'essayer de faire rire les gens en leur racontant des histoires ou en leur racontant des blagues. Eh bien, ça, c'est des conteurs. Et ces gens-là, avec leur méthode pour essayer de faire les gens les aimer ou attirer les gens par ce genre de méthode, eh bien, si ce n'est pas basé sur aucune science de la charia, et si ce n'est pas avec l'établissement des fondements de la religion et des règles principales et fondamentales de l'islam, eh bien, dans ce cas-là, il faut avertir contre ceux qui font ça. Et il faut mettre en garde contre eux. Il faut avertir contre eux, et il faut faire attention et être sur nos gardes vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la guidance du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne suivent pas non plus la guidance de ses successeurs et de ses compagnons et des imams de l'islam parmi les tabi'in et de ceux qui les ont suivis après eux. Donc ça, c'est la fin de la question, la réponse numéro 5. Ensuite il y a une autre question, la question numéro 6. أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ متى يكون الهجر هجرا صحيحا شرعيا لأهل البدع وأهل المعاصي، ومتى يكون ذلك حتى يتحقق الغرض الشرعي من هذا الأصل العظيم. Donc la sixième question on a posé يعني on a posé la question au cheikh au sujet de al-hajr, le fait de boycotter et de s'écarter des gens de bid'a, de ne pas les fréquenter. Hein? Quand est-ce que c'est fait de façon correcte et quand est-ce que c'est en accord avec la sharia vis-à-vis des gens de bid'a et des gens de péché? Quand est-ce que c'est acceptable et quand est-ce que c'est correct? وَمَتَ يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَحَقَّقُ الْغَرَضِ. Et quand est-ce que cet aspect de la religion, le hajj, va être réalisé pour arriver à notre objectif et notre but selon la sharia, hein, d'avoir établi par exemple ce grand principe et ce grand fondement de l'islam. Quand est-ce que c'est correct? Donc Cheikh Ubaid حفظه الله يرد. Il dit اولا الهجر هو الاصل مما قدر ممن قدر عليه وكان مطاعا يأتمر الناس بأمره وينتهي بنهيه. Donc le cheikh il dit premièrement à la base le hajr, le fait de boycotter les gens de bid'a, les gens de l'égarement, ça c'est la base, hein, c'est ça la base de la part de celui qui est écouté et obéi, et que lorsqu'il ordonne aux gens quelque chose, les gens l'écoutent et l'obéissent et s'abstiennent de fréquenter la personne qui l'a boycotté. Donc ça c'est la base. وهجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي هذا هو الأصل حتى يعود إلى رشده ويراجع الحق. Donc le cheikh il dit que le fait de boycotter les gens de bid'ah et les gens du péché, les gens qui commettent des péchés, hein, ouvertement, ça c'est la base. Ça c'est la base à leur sujet. Jusqu'à ce qu'ils reviennent à la droiture et jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vérité. ولكن إذا كان هذا الشخص غير مطاع والكفة الراجحة لذلك المبتدع فهاهنا لا تدعو إلى الهجر ولا تأمر به ولكن أنت لك أنت أن تحذره فلا تزوره ولا تستوزيره ولا تستوزيره ولا تحضر مجالسه فإذا سئلت قل لا آمنه على ديني ولا آمنه على نفسي. Donc le cheikh il explique ici et il dit toutefois, hein, si la personne qui fait le hajr c'est une personne qui n'est pas obéie, hein, si elle parle les gens ne vont pas l'écouter, et si elle ordonne de boycotter quelqu'un, les gens ne vont pas l'obéir. Dans ce cas-là, hein, et que le poids le plus pesant et le plus lourd est du côté de ce mubtadi', alors dans ce cas-là, n'appelle pas les gens à le boycotter et n'ordonne pas aux gens de le boycotter. Plutôt, toi, écarte-toi de lui et fais attention, hein, et prends garde vis-à-vis de lui. Ne le visite pas. Et il n'appelle pas non plus à le visiter et n'assiste pas à ses assemblées et à ses assises. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu n'y vas pas, ou pourquoi tu ne vas pas le voir, ou pourquoi tu ne vas pas le fréquenter, eh bien tu réponds, je ne lui fais pas confiance pour ma religion et je ne lui fais pas confiance pour ma propre personne. C'est-à-dire, je n'ai pas confiance en lui par rapport à ma religion et ni par rapport à ma personne. Hein? Donc ça c'est pour que le cheikh ici, il est en train de nous expliquer les cas, hein, et les différentes catégories de personnes. Parce que, par exemple, si c'est un grand savant qui va nous mettre en garde contre un égaré, contre un innovateur ou contre quelqu'un qui a des égarements, il va nous mettre en garde et il va nous dire, un tel, c'est un innovateur, c'est un égaré, n'allez pas le voir, n'allez pas l'écouter. et tout le monde va s'abstenir, hein, tout le monde va cesser d'y aller parce qu'ils font confiance à ce grand savant et ils savent que c'est quelqu'un qui parle avec preuve et qui est, hein, respecté dans l'ilm, hein, comme par exemple les grands savants de l'islam comme Cheikh Rabi' et d'autres parmi les mashaykhs. Si un d'entre eux par exemple dit un tel c'est un égaré, il ne faut pas aller l'écouter, tout le monde va l'écouter et tout le monde va s'abstenir d'aller le voir, cette personne, parce que c'est la parole d'un savant qui est écouté et obéi pour leur science, hein. Tandis que si c'est quelqu'un qui n'est pas écouté, qui n'est pas obéi par les gens, hein, comme moi ou quelqu'un d'autre yani, parmi les frères qui sont yani, des petits étudiants ou bien des gens qui ont peu de science par rapport à la main, eh bien, si on dit à quelqu'un, par exemple, va pas voir un tel, va pas écouter un tel, personne va nous écouter, hein, parce qu'on n'est pas des personnes qui sont obéies comme des grands savants. Alors, dans ce cas-là, le mieux, c'est de s'abstenir pour nous-mêmes. Hein, de s'abstenir pour nous-mêmes. Et de ne pas y aller, les écouter. Parce qu'on sait que c'est des gens qui sont dangereux, des gens qui ont des déviations. Ou à moins qu'on ait une parole d'un savant, hein, une parole d'un grand savant qui met en garde contre un individu, dans ce cas-là, on la transmet aux gens, on leur dit. Hein. Et ça, c'est un point important que je mentionne ici. Parce que des fois, tu vois, par exemple, certaines personnes qui critiquent le fait de mettre en garde contre des innovateurs. Ils disent, ah, mais vous faites que des mises en garde et des choses comme ça. Et ils accusent certains même de faire le djarh ou le ta'dil, hein, alors qu'ils ne sont pas des savants. Eh bien, souvent, par exemple, on va citer, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas des savants, mais qui connaissent les paroles des savants sur un individu et qui les diffusent. Hein? Donc, dans ce cas-là, c'est qui est-ce qui fait la mise en garde? C'est le savant. Hein? C'est le savant. Et donc, dans ce cas-là, si le savant a mis en garde et que moi je te donne sa parole, donc c'est pas moi qui fais le djarh, hein, c'est les ulama qui font le djarh. Donc le fait de le diffuser ou de le transmettre, hein, ce djarh pour avertir les musulmans, ça c'est pas la même chose que si je faisais moi-même le djarh. Et il y en a qui mélangent entre ces choses-là et qui se fâchent avec d'autres en disant, ah, eux, ils font le djarh et ils critiquent les gens, alors que c'est pas basé sur leur critique à eux qu'ils le font, mais c'est basé sur la critique que les ulama ont mentionnée au sujet de ces individus-là pour mettre en garde à leur sujet. Donc il ne faut pas mélanger les choses et il faut faire attention justement à ça, parce qu'il y en a qui détestent les mises en garde, même quand ils disent, ah, mais ça c'est un tel, il fait que des mises en garde. Alors que c'est pas lui qui fait les mises en garde, mais c'est les savants qui font les mises en garde, et parce qu'ils diffusent les mises en garde des savants, ça les dérange. Hein? Donc ils les accusent de faire le djarh, alors que c'est les ulama qui font le djarh en réalité. Donc pour revenir à ce que le cheikh explique ici, il dit, donc si tu sais que tu n'es pas écouté, que tu ne vas pas être obéi, et que le poids le plus lourd est yani, du côté de ce mubtadir, que les gens vont yani, aller plus vers lui, et bien dans ce cas-là, yani, tu n'appelles pas les gens à faire son djar, à faire son hajr, à le boycotter et ainsi de suite, et tu ne leur donnes pas non plus à le faire, mais tu t'abstiens toi-même de l'écouter, d'aller le visiter, de t'asseoir avec lui et ainsi de suite. Et tu dis, si on te demande pourquoi, yani, je n'ai pas confiance en lui par rapport à ma religion ou par rapport à moi-même. Ensuite, le cheikh il dit, « وَقَدْ قَدَّمْتُ لَكُمْ أَوَّلَ الْكَلِمَةِ أظن في أول سؤال أو في ثاني سؤال ولعله تكرر أن أهل السنة يراعون المصلحة وينظرون في المصلحة والمفسدة فإذا كانت المصلحة راجحة في هجر المبتدع وزجره والتحذير منه ويعني والتحذير منه هجروه وزجروه وحذروا منه وهجروه وحذروا منه وهجروه وإذا كانت المفسدة أرجح والناس يتألبون على أهل السنة فإنهم لا يهجرونه ويكتفون بالرد العلمي Donc le cheikh il dit, comme je vous ai mentionné précédemment, au début de cette parole, ou bien dans les questions, la première question ou bien la deuxième, et c'est possible même qu'on l'ait répété plusieurs fois, que les gens de la sunna, ils tiennent compte de qu'est-ce qu'on appelle en arabe la maslaha. Ils tiennent compte en arabe de qu'est-ce qu'on appelle al-maslaha, c'est-à-dire où se tient le plus grand bienfait. Ils tiennent compte d'où se tient la maslaha et d'où se tient la mafsada, c'est-à-dire le méfait, le bienfait et le méfait. Donc ils regardent où est-ce que va être le plus grand bien, où est-ce que va être le plus grand mal, et ils suivent le plus grand bien et ils s'écartent du plus grand mal. Hein? Et donc, si le plus grand bien, c'est dans le fait de faire le boycott de ce mubtadi', et dans ce cas-là, ils vont avertir contre lui et ils vont le critiquer et ils vont le boycotter. Hein, et ils vont mettre en garde contre lui. Et si le plus grand méfait est dans le fait de justement que du fait que si on le boycotte par exemple, eh bien les gens vont se tourner vers contre Ahle Sunna et que ça va faire un plus grand mal que le bien, dans ce cas-là ils ne vont pas faire son hajj, mais ils vont se limiter à le réfuter de façon scientifique. Et le cheikh il dit وَلِهَذَا أَقُولُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ اعْتَصِمُوا أَنْتُمْ بِالسُّنَّةِ وَلَا تُجَادِلُوا هَؤُلَاءِ وَلَا تُخَاصِمُوهُمْ وَاضْرِبُوا عَنْهُمْ صَفْحًا إِذَا كَانَ أَئِمَّتُكُمْ هَؤُلَاءِ فَصَلُّوا مَعَهُمْ ثُمَّ اخْرُجُوا ولا تهيج عوام الناس ورعاء الناس والذين ليس عندهم فقه في الدين عليكم. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que je vous dis, ô vous qui êtes faibles parmi les gens de la sunna, yani ô vous qui êtes parmi les gens de la sunna qui êtes faibles, accrochez-vous vous-même à la sunna et ne débattez pas, ne discutez pas et n'argumentez pas avec ces gens-là, avec les gens de Bid'ah. Et ne rentrez pas dans des disputes et dans des argumentations avec eux. Et, yani, laissez-les. Hein, laissez-les. Et si ce sont vos imams, c'est-à-dire que si c'est eux qui dirigent la prière dans votre mosquée ou dans une mosquée où vous allez, dans ce cas-là, priez derrière eux, puis sortez. Hein, vous priez avec eux pour faire la salat et puis vous sortez. Et n'essayez pas d'attiser les gens ou d'inciter les gens parmi les awam, yani, ou parmi les faibles d'esprit, parmi les gens contre eux qui n'ont pas de compréhension de la religion. Hein, ceux qui n'ont pas de compréhension dans la religion, parce que, yani, si vous agissez de façon qui n'est pas sage, ça risquerait de se retourner par la suite et de faire un plus grand mal. Donc, comme le cheikh l'avait dit dans d'autres questions précédentes, lorsqu'on est dans une situation de faiblesse, dans un endroit, eh bien, il faut se limiter, comme le cheikh l'a dit tout à l'heure, à la réfutation scientifique et à la clarification de l'égarement. De la clarification de l'égarement avec les preuves. On continue. Donc la question suivante, as-su'al as-sabi', la septième question. أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل يسأل ويقول ما قولكم حفظكم الله في من يقول أجالس صوفيا أخلاقه حسنة أفضل من أن أجالس سلفيا أخلاقه سيئة. Donc la septième question qui a été posée au Cheikh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, c'est: quelle est votre parole, que Allah vous préserve, au sujet de quelqu'un qui dit: je préfère m'asseoir avec un soufi qui a un bon comportement que de m'asseoir avec un salafi qui a un mauvais comportement. Donc, quelle est votre parole à ce sujet-là? Et ça, on l'entend souvent de la part de certains. Allah al-Musta'an. Donc, le Cheikh, il dit, أولا لا أظن أن سلفيا تشربت عروقه بالسنة وتخالطت بشاشته قلبه أبدا لا يقول هذا لا يقول هذا فالسلفي يبتعد عن المبتدعة الصوفية وغيرهم وينحاز إلى أهل السنة ولكن ننظر في موجب القول والقائل فإذا كان القائل من أهل التحزب والحزبيين فليس هذا بغريب عليهم لأنهم يعني ينطلقون شاءوا أم أبوا من قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Donc le Cheikh il dit premièrement, il dit je pense pas qu'un salafi qui a été en contact avec la sunna et que son cœur est yani son cœur et son intérieur a été en contact avec la salafia et il a goûté à la salafia, qu'est-ce que c'est réellement, je ne pense pas qu'il pourrait jamais dire ce genre de parole. Parce que le salafi, de toute façon, il s'éloigne toujours des mubtadi'a, que ce soit des soufis ou autres. Et il se limite à côtoyer les gens de la sunna. Mais on regarde ce que cette parole-là implique et la personne qui l'a dite. Donc si yani, la personne qui a dit cette parole-là fait partie des gens de Tahazzub, fait partie des gens de Hizbiya et fait partie des Harakiyin, des gens qui suivent des groupes de Bid'a ou des mouvements de Bid'a ou des choses comme ça, alors dans ce cas-là, c'est pas étonnant d'entendre ces gens-là dire ce genre de paroles, parce que, qu'ils le veuillent ou non, ils partent du principe, yani, de la règle des Ikhwan qui dit nous collaborons, nous allons collaborer avec les gens sur les choses dans lesquelles on est d'accord avec eux, et on va nous s'excuser les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a des divergences. Donc c'est ça leur règle. On s'entraide entre nous sur les choses dans lesquelles on est d'accord, et on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on diverge, peu importe que ces choses-là sur lesquelles on diverge fassent partie des fondements de la religion, des bases de la religion, de la aqida, du tawhid, du shirk. C'est pas grave, on s'excuse. Et on travaille ensemble quand même. Donc ça, c'est la règle des ikhwan et la règle de ces gens-là. Donc ça ne les dérange pas de s'asseoir avec des soufis, avec des ikhwan, avec des shi'a, avec tabligh, avec n'importe quel innovateur, ça ne leur dérange pas. Le Cheikh il dit وإن كان صاحب سنة ولكنه حز في نفسه شيء لما رأى من جفاء إخوانه عليه وغلظتهم عليه غلظة يرى أنها زادت عن حدها فهذا ما أظنه قالها إلا للزجر ولشدة العتاب وهذا يجب على إخوانه أن يتعاملوا معه برفق وأن يحسنوا صحبته ولا سيما إن كان ذا جاه كبير ومكانة مرموقة في الناس. Donc le Cheikh il dit, donc, et si cette personne qui dit cette parole, il dit cette parole et qu'il fait partie des gens de la Sunna et qu'il est sur la Sunna, mais qu'il a eu, il y a quelque chose dans son cœur contre quelque chose. Il a vu, par exemple, de la part de ses frères un manque de respect ou une dureté qui, selon lui, yani, a dépassé la limite envers lui ou quelque chose comme ça. Donc, il dit cette parole-là yani, uniquement pour les blâmer et pour leur faire des reproches. Et non pas parce qu'il est d'accord avec cette parole-là pour de vrai. Yani que de dire qu'il préfère être avec un soufi qui a un bon comportement qu'un salafi qui a un mauvais comportement. Il ne dit pas ça parce qu'il y croit vraiment, s'il est sur la sunna. Il dit ça juste parce qu'il a été blessé peut-être de certains comportements et il veut yani, blâmer, faire un blâme ou faire un reproche à la personne qui a mal agi envers lui ou quelque chose comme ça. Et donc, le cheikh, il dit, dans ce cas-là, il est obligatoire à ses frères d'agir avec lui avec douceur et de bien l'accompagner et d'avoir un bon comportement avec lui. En particulier si c'est quelqu'un qui a un statut élevé, un statut important et qui a une importance chez les gens, un statut important chez les gens. Ensuite, il dit فَحُسْنُ الصُّحْبَةِ وَاجِبَةٌ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَمِنْ سِعَةِ الصَّدْرِ وَمِنْ سَعَةِ الصَّدْرِ وَالصَّبْرِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَقَدْ أَرَدُّ عَلَى سُنِّيٍّ وَيَرُدُّ عَلَيَّ وَأَشْتَدُّ عَلَيْهِ فِي مَا بَيْنَهُ وَيَشْتَدُّ عَلَيَّ وَلَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّشْهِيرِ لا أشهر به ولا أجعله عرضة لحديث في المجالس الخاصة والعامة فلو سئلت عن قول فلان في كذا أقول أخطأ والصواب خلاف ذلك وفلان أعرف عنه أنه صاحب السنة لكنه ما وفق في هذا فتفطنوا بارك الله فيكم إلى الحال والمقال وما يوجب المقال فإن كما يقولون لكل مقام مقال. Donc le cheikh il dit, le bon comportement entre les gens de la sunna, c'est une obligation d'avoir le cœur large et d'être patient et endurant et d'utiliser la douceur envers nos frères, c'est important. Et il dit, c'est possible que quelqu'un qui est sunni, qui est sur la sunna, il me réfute. Et également que moi je réfute. Qu'un sunni me réfute. C'est possible que moi je réfute un sunni, ou qu'un sunni me réfute. Et c'est possible que je sois sévère et dur envers lui, quand je suis entre moi et lui, et que lui soit dur envers moi, quand il parle avec moi, mais pas dans le but de l'exposer, pas dans le but de l'exposer devant les gens et de divulguer ses problèmes devant les gens, non. Et je ne vais pas non plus faire en sorte que on parle de lui dans les assemblées de façon privée ou publique. Mais si on me demande à propos de la personne d'un tel, eh bien je vais dire: un tel, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une erreur. Et qu'est-ce qui est correct? C'est ni le contraire de ce qu'il a dit, ou quelque chose de contraire à ce qu'il a dit. Et ou bien tu dis, un tel, ce que je sais à son sujet, c'est que c'est une personne qui est sur la sunna, mais dans ce qu'il a dit à ce sujet-là, il n'a pas eu le succès. C'est-à-dire, il n'a pas eu raison là-dedans. Donc, comprenez bien la situation et la parole, et qu'est-ce qui a impliqué ou qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a nécessité ou qu'est-ce qui a amené la personne en question à dire ce genre de parole et dans quel contexte. Parce que dans chaque endroit, dans chaque situation, il y a une parole qui s'y rattache ou une façon de parler. Dans chaque situation, il y a une façon de parler. Il y a selon le contexte, il y a une manière de dire les choses. C'est ça ce que le cheikh explique ici. Donc il faut voir, quand quelqu'un dit quelque chose de ce genre, c'est qui est-ce qui l'a dit premièrement, et deuxièmement, essayer de comprendre pourquoi il l'a dit, qu'est-ce qui l'a amené à le dire, et juger par la suite en conséquence. Et la question numéro 8 ensuite, السؤال الثامن جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذا سائل يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج وهل بينهما خصوص وعموم أم لا. Donc la question numéro 8, on a posé la question au cheikh au sujet de la différence entre la aqida et le manhaj, et est-ce que il y a une différence entre les deux, Ou bien est-ce que entre les deux il y a plutôt un sens général et spécifique ou non? Un mot wa khusus, c'est-à-dire que les deux sont reliés les uns aux autres de façon générale ou de façon spécifique. Et le cheikh il répond et il dit al-aqidatu hiya ma ta'taqiduhu tadayyunan fi Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi wa ma yastatbi'u dhalika min tasdiq khabari Allah wa khabari rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fi al-madi wal mustaqbal wa min dhalika na'im al-qabr wa 'adhabihi wal hawd وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والميزان وغير ذلك هذه العقيدة وكذلك يتبع هذا تنزيل الأولياء والصالحين الذين هم أولياء الله أو الذين هم أولياء لله ومتقين لله أهل السنة وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت منهم خاصة وأئمة التابعين ومن تبعهم ومن بعدهم وأئمة التابعين ومن بعدهم فتنزلهم منازلهم من غير غلو ومن غير إفراط ولا تفريط وتتولاهم محبة في ذات الله وتتولاهم محبة في ذات الله أي نعم. Donc le cheikh il résume qu'est-ce que c'est la aqida. Il dit la aqida c'est quoi? C'est ce que tu crois en toi-même avec conviction et que tu crois par yani dans le sens que tu vas être jugé par pour cette croyance là devant yani devant ton Dieu au jour de la résurrection. C'est ce que tu as dans ton cœur comme croyance religieuse en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour de la résurrection, hein, le jour dernier, et la foi en la prédestination, de ce que Allah a prédestiné pour toi, de bien ou de mal, et suivi également des autres aspects de la croyance dans le fait de croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé. Et de croire en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme information au sujet de qu'est-ce qui est mentionné dans la révélation par rapport au passé ou à l'avenir. Et parmi les exemples de ce genre de choses, par exemple, les délices de la tombe et le châtiment de la tombe. De même que le bassin ou la fontaine, hein, le bassin duquel les croyants vont boire, yani au jour de la résurrection, qui est le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même que la balance, le fait que nos œuvres seront pesées yani, dans une balance au jour de la résurrection. Et ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'éléments aussi qui sont mentionnés, des choses comme qui ont rapport avec le raid. Tout ça, c'est la aqida. Et le cheikh, il dit que ça également, c'est suivi. C'est suivi de également le fait de savoir mettre à sa place et de respecter les serviteurs rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hommes pieux, hein, ceux qui sont des rapprochés d'Allah et qui craignent Allah, hein, et qui sont pieux parmi les gens de la sunna et parmi yani les imams de la sunna, en commençant par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les imams de l'islam parmi les tabi'in, les élèves des sahaba et ceux qui sont venus par la suite, donc de les respecter et de leur donner à chacun la place qu'ils méritent sans tomber dans l'exagération et sans non plus tomber dans le laxisme, donc de ne pas aller dans un extrême dans l'exagération ni dans un extrême du laxisme, et de les aimer et de les défendre de préserver leur honneur et ainsi de suite par amour en Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc ça c'est l'aqida de façon générale et résumée. Ensuite, le chef il dit wal manhaj huwa at-tariq alladhi yaslukuhu al-mar fi da'wat an-nas ila Allah 'azza wa jalla wa qa'idatuhu al-kitab was-sunna 'ala fahmi salaf as-salih. Donc le chef il explique que le manhaj c'est la voie que tu vas emprunter pour inviter les gens à Allah et pour les appeler à Allah, et la règle de ce manhaj, de cette voie, de cette méthodologie, c'est le Coran, la Sunna, selon la compréhension des salaf al-salih. Le cheikh il dit ensuite وَعْلَمُوا أَنَّ الْعَقِيدَةَ وَالْمَنْهَجِ مُتَلَازِمَانِ الْعَقِيدَةُ وَالْمَنْهَجِ مُتَلَازِمَانِ. Le cheikh il dit sachez que la aqida et le manhaj, la méthodologie, c'est quelque chose qui ce sont deux choses qui sont reliées et qui s'impliquent l'une l'autre. Ce sont deux choses qui s'impliquent l'une l'autre. Et le cheikh il dit وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الْبَرْبَهَانِ رَحِمَهُ اللَّهِ اِعْلَمْ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ السُّنَّةِ وَأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ الْإِسْلَامِ. Donc il n'y a rien de mieux que la parole de l'imam al-Barbahari rahimahullah pour exprimer et expliquer ce principe. Puisque l'imam al-Barbahari il dit dans son livre Sharh al-Sunnah, il commence en disant sache que l'islam c'est la sunna et que la sunna c'est l'islam. Le cheikh il dit فَالْعَقِيدَةُ والمنهج لا يختل أحدهما إلا من خلل في الآخر. Donc le cheikh il dit que la aqida et le manhaj, il n'y aura pas une erreur dans l'un, excepté que cette erreur-là va avoir un effet et va créer une erreur dans l'autre. C'est-à-dire que si tu as une erreur dans ton manhaj, ça va créer un problème dans ta aqida, et si tu as un problème dans ta aqida, ça va créer un problème dans ton manhaj, parce que les deux sont interreliés. Hein? Et le cheikh il explique, il dit فالخوارج لما اختل منهجهم كفروا بالكبيرة وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر حلال الدم والمال وتوصلوا من هذا إلى سبي نسائهم وذراريهم من خلل في عقيدتهم. كذبوا النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية وإنما تسلب كماله، ولهذا هم ارتكبوا مع هذا تكذيبا آخر فحكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات بأنه خالد مخلد في النار، والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر خلاف ما شهدت به النصوص من أي تنزيل من آية تنزيل وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقوا الخوارج في من مات على كبيرة من الكبائر وهكذا. Donc le cheikh il explique. Il dit les Khawarij, par exemple, lorsqu'ils ont eu une erreur dans leur manhaj, eh bien, ils ont déclaré les musulmans mécréants pour des péchés, des grands péchés qu'ils commettent. Et ils ont jugé à propos de celui qui commettait les grands péchés dans cette vie d'ici-bas qu'il était kafir. Celui qui commet un grand péché dans la vie d'ici-bas, pour eux, est considéré comme un kafir. Et ils rendent son sang et ses biens halal pour les musulmans. Hein? Ou pour eux. Hein, ils rendent son sang et ses biens halal. Et ils sont même allés jusqu'à combattre, donc tuer les sahaba, combattre les sahaba, et même prendre leurs femmes en prisonnière et leurs enfants en prisonnière et en esclaves. Hein? Allah al-Musta'an. Et ça, c'est à travers l'erreur qu'ils avaient dans leur croyance. Hein? Et parce qu'ils ont traité de mensonges les textes authentiques, les hadiths authentiques, qui sont rapportés authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du fait que celui qui commet un péché, eh bien, il ne perd pas entièrement sa foi, c'est uniquement la perfection de sa foi qui lui est enlevée. Mais il reste toujours un croyant. Donc, à cause de cette erreur qu'ils ont eue dans l'aqida, eh bien, ils sont tombés dans une autre erreur. Ils ont traité de mensonges les textes, et ensuite, ils sont tombés dans une autre erreur et un autre problème ensuite. Donc, une erreur dans l'aqida les ont amenés à une erreur dans le manhaj, et une erreur dans le manhaj les a amenés à une erreur dans l'aqida, et ainsi de suite. Donc, ils ont traité toute personne parmi les musulmans qui fait un grand péché, qu'ils ont jugé qu'il allait être éternellement en enfer lorsqu'il meurt. Donc, ça, c'est une autre erreur qu'ils ont fait par la suite dans leur aqida. Et les Mu'tazila, eux, ont dit que celui qui fait un grand péché, il est dans un état entre les deux, c'est-à-dire entre la croyance et la mécréance. Donc, il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min. Donc, le cheikh, il explique que ça, c'est en contradiction avec ce qui a été mentionné dans les textes de la révélation des versets révélés et de la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne que le musulman qui commet des grands péchés, il ne sort pas de la foi complètement, et il ne devient pas mécréant, il reste toujours croyant, sauf que sa foi diminue. Donc les Mu'tazila ont été donc d'accord avec les Khawarij au sujet de celui d'entre eux qui meurt sur un grand péché. Qui meurt sur un grand péché, parmi les grands péchés. Donc ils ont été d'accord avec les Khawarij que s'ils meurent sur le grand péché, qu'ils seront éternellement en enfer. Ensuite, le cheikh il dit والمرجئة الغلاة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق أو يقولون القول أو التصديق مع القول حاصل عقيدتهم بل هم يقررونه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فانظروا التناقض لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح ولكن المقيس فاسد المقيس فاسد لا يضر مع الإيمان ذنب إذن يستوي عندهم السكير العربيد الفاجر مع البر التقي الصائب المصلي وهذا خلل في العقيدة وخلل في المنهج فهم يوالون ويعادون في هذه العقائد الفاسدة. Donc le cheikh, il dit les murji'a, extrémistes parmi eux, eux ils disent que la foi c'est uniquement le fait de croire avec le cœur seulement. Et ils disent que la parole, il y en a, ou bien ils disent que c'est la parole seulement, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah, et que ça suffit pour être croyant. Ou bien, yani, le fait de croire avec le cœur et de dire une parole. Mais pour eux, les actions qu'on fait ne font pas partie de la foi. Donc, ça c'est yani, la conclusion de leur croyance. Et c'est ce qu'ils confirment, et c'est ce qu'ils établissent comme croyance pour eux-mêmes. Que, à la fin, ils disent quoi? Comme conclusion, que yani, la foi, elle n'est pas affectée par le péché. Si tu fais un péché, ça n'affecte pas ta foi. Ça n'a aucun impact ou effet négatif sur ta foi. Et ils font une analogie en disant que de la même manière que si tu es mécréant, eh bien de faire des bonnes œuvres, ça ne te profite en rien, ça ne te donne rien, parce que tu es mécréant. Donc la même chose, si tu es croyant, ça ne fait rien de faire des péchés et ça ne diminue pas ta foi. Donc il dit le cheikh, regardez la contradiction. Si tu dis si tu dis par exemple qu'avec la mécréance aucune obéissance ou aucune bonne action ne te profite, ça c'est vrai. C'est vrai que si tu fais une bonne action alors que tu es kafir, que tu es un mushrik, et bien dans ce cas là ça sert à rien, parce que tu vas pas être récompensé pour qu'est-ce que tu fais de bien si tu es sur le kufr ou sur le shirk, puisque tes œuvres sont nulles et sont vaines. Mais l'analogie qu'ils font, elle est corrompue, elle est fausse. Puisque si tu dis que avec la foi n'y a rien qui va affecter parmi les péchés que tu fais, ça ne va pas affecter ta foi. Et ça, dans ce cas-là, ça veut dire que l'ivrogne, hein, le soulard, le pécheur, le pervers, hein, il est la même chose que le pieux, hein, la personne pieuse, la personne obéissante à Allah, la personne qui prie, hein, qui fait des bonnes œuvres. Ça dit, tu les mets les deux à égalité. Et ça, c'est une erreur dans l'aqid, hein, et une erreur dans le manhaj. Et ensuite, tu les vois, ces gens-là, aimer et détester les gens par rapport à cette fausse croyance qu'ils ont inventée et cette croyance corrompue qu'ils ont. Hein? Donc ça, c'est pour montrer comment le manhaj et l'aqid sont interreliés entre eux. Et le shaykh, il dit ensuite, « Wa ahlu sunnati la yuwalun, wa la yu'adun illa fillah. » سبحانه وتعالى فلا تغرنكم شواذ العبارات ولا بنيات الطريق. Donc le cheikh il dit, les gens d'Ahl al-Sunnah, eux, ils aiment pour Allah et ils détestent pour Allah, hein? Ils aiment en Allah et ils détestent en Allah. Donc ne vous laissez pas tromper par des expressions singulières et des paroles, hein, étranges. Et ne vous laissez pas non plus tromper par les fossés au bord des sentiers. Yani, suivez la voie droite. Et le cheikh il dit, فَالْعَقِدَةُ وَالْمَنْهَجُ الَّذِي هُوَ طَرِيقُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ الْخَالِي مِنْ شَوْبِ الْكُفْرِ وَمِنْ شَوْبِ الْبِدَعِ وَمِنَ الْمَعَاصِي وَالْمَنْهَجُ الصَّحِيحُ لَا يُخَالِفُ الْعَقِدَةَ الصَّحِيحَ أَبَدًا. فالإسلام أو الدعوة إلى الإسلام على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على عقيدة صحيحة ومنهج سديد صحيح. Donc le cheikh il dit, la aqida et le manhaj, c'est la voie de la da'wa à l'islam qui a été purifiée, qui a été nettoyée de la mécréance et des innovations et des péchés. Donc, la voie, la méthodologie correcte, elle ne vient pas en contradiction avec la bonne croyance, la croyance correcte. Hein? C'est impossible. Le bon manhaj, il ne va jamais contredire la bonne aqida. Parce que l'islam, ou la da'wa à l'islam, sur la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut se faire que sur la aqida qui est authentique et qui est correcte, et sur une voie qui est droite, et authentique et correct. Et naam. Donc, Inch'Allah, on va lire encore une autre question. Et naam. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول متى يكون الإنسان مؤهلا لأن ينكر المنكر. La question suivante qui a été posée au Cheikh Ubaid. Hein, on lui a demandé quand est-ce qu'une personne est apte à condamner le mal ou interdire le mal. Donc le cheikh il répond, il dit awalan bunya ban ya bunay ou awalan bunya i'lam anna al-munkar ala thalath maratib ja'at fi al-hadith al-sahih alladhi rawahu muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذه المرتبة الأولى فإن لم يستطع فبلسانه وهذه المرتبة الثانية فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فهذه المرتبة الثالثة لا أدري ما تريد بقولك متى يكون مؤهلا لكن أقول لك شيئين. Donc le cheikh il dit, premièrement, sache, mon fils, que le munkar, il est en 3 degrés. Le mal, il est en 3 degrés. Comme c'est mentionné, hein, le fait de condamner le mal ou d'interdire le mal, il est divisé en 3 degrés. Comme c'est mentionné dans le hadith authentique rapporté par un muslim selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par la main. Ça, c'est le premier degré. Et s'il n'est pas capable avec la main, alors qu'il le change par sa langue, et ça c'est le deuxième degré. Et s'il n'est pas capable par sa langue, alors par son cœur, et ça c'est le plus bas, le plus faible niveau de la foi, et ça c'est le troisième degré. Le cheikh, il dit, je ne sais pas vraiment ce que tu veux dire par quand est-ce qu'il est apte à interdire le mal, mais je vais te dire deux choses. أولاً الإنكار بالقلب هذه جميع عباد الله مؤهلون لها لا يعجز عنها أحد. Donc le cheikh il dit, premièrement, le fait de condamner le mal et de l'interdire par son cœur, ça, tous les serviteurs d'Allah, sans exception, sont tous capables et sont tous aptes à le faire, et personne n'est incapable de le faire. أما المرتبتان الأوليان التغيير باليد والتغيير باللسان فالأولى لمن قدر وأمن المفسدة التي هي أكبر من تغيير المنكر. Donc là, en ce qui concerne les deux degrés précédents, les deux premiers degrés, le fait de changer par la main ou le fait de changer par la langue, le cheikh dit en ce qui concerne le premier, hein, le fait de changer par la main, ça c'est pour celui qui est capable, qui a la capacité et qui est exempté ou préservé de tomber dans un mal plus grand que celui qu'il veut changer. Hein? Il ne va pas créer, en interdisant ce mal par sa main, un mal plus grand que celui qu'il veut interdire. Ça c'est pour le premier degré. En ce qui concerne le deuxième, والثانية لأهل العلم الذين يحسنون البيان ويبينون للناس الحق ويحذرونهم من الباطل ويأمرونهم بالحلال بالدليل وينهونهم عن الحرام بالدليل ويدعونهم إلى السنة بالدليل وينهونهم عن البدع بالدليل بالحكمة والموعظة الحسنة وإن دعا الأمر جادلوا بالتي هي أحسن. Donc le cheikh il dit, hein, donc en ce qui concerne le deuxième degré, c'est-à-dire le fait de changer ou de condamner le mal ou d'interdire le mal par la langue, il dit ça c'est pour les hommes de science, les gens qui détiennent la capacité de bien clarifier les choses et de bien expliquer la vérité aux gens, et qui peuvent avertir les gens contre le mal, contre la fausseté, et qui leur ordonnent le halal avec preuve et qui leur interdisent le haram avec preuve, hein, et qui invitent les gens à la sunna avec la preuve et qui leur interdisent les innovations, les bid'ah avec la preuve et avec sagesse et avec une bonne exhortation, hein, et si ils ont besoin ou si si la chose nécessite ou si l'affaire nécessite qu'on argumente, eh bien, qu'on argumente avec les gens qui ont des questions de la meilleure manière. Le cheikh dit والأمر الثاني اعلم أنه إذا ترتبت على تغيير المنكر مفسدة أكبر منه كان منكرا وكان تغييره منكرا ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غنم يعني رضي الله عنه وهو صحيح بمجموع طرقه وقد صححه العلامة الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع الشيخ ناصر رحمه الله فتفطنوا بارك الله فيكم في بعض الأحيان لا تستطيع أن تنكر منكرا فيبقى عليك الإنكار بالقلب. Donc le cheikh il dit la deuxième chose, sache que si en changeant le mal par ta main, tu vas ramener un mal ou un méfait plus grand que celui que tu veux interdire, dans ce cas-là, de le changer, ce mal, c'est un mal en soi. Hein? De changer un mal qui va ramener un mal plus grand, dans ce cas-là, de changer ce mal-là, c'est un mal. Donc tu dois t'en abstenir, tu ne dois pas le faire. Et le cheikh, il dit, et c'est pour ça, et Allah sait mieux, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que celui qui a une nasiha, un conseil à donner aux dirigeants, qu'il ne le fasse pas ouvertement, c'est-à-dire qu'il ne le fasse pas publiquement et qu'il ne le divulgue pas devant les gens, mais qu'il aille en privé avec lui, hein, et qu'il le prenne par la main. S'il l'accepte, il l'accepte, et s'il la rejette, la nasiha, eh bien, il a fait ce qui était obligatoire pour lui. Hein, il a transmis la nasiha, et donc il a fait ce qui était obligatoire pour lui, il a fait son devoir. Et donc ça, c'est pour clarifier que le fait de dénoncer le mal que fait le dirigeant de façon ouverte et publique sur le minbar, hein, ou bien yani de le dénoncer dans yani les assemblées publiques ou des choses de ce genre, ou de faire des manifestations par exemple, comme c'est le cas par exemple dans certains pays où les gens sortent dans la rue pour dénoncer les actions ou les péché d'un dirigeant ou des choses de ce genre, eh bien, ça c'est contraire à l'islam. Et ça c'est interdit dans l'islam. Hein? Et ça ne fait pas partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal comme les gens se l'imaginent. Puisque c'est des manières ou des façons d'agir qui sont en contradiction avec la sunna. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas le divulguer ouvertement, mais de le faire en privé. Hein? Et en même temps aussi, les dirigeants, hein, le fait de faire la nasiha ouvertement, hein, et de parler ouvertement de ce qu'ils font, c'est quelque chose qui ramène plus de mal que de bien. Et on voit les conséquences actuellement dans les pays musulmans. Qu'est-ce qui se passe en Égypte, et qu'est-ce qui se passe en Syrie, et qu'est-ce qui se passe ailleurs. Tout ça, c'est le résultat d'avoir opposer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, il est rapporté selon Ibn Abi Asim dans As-Sunna, et il est rapporté selon Iyad ibn Rudman, radiyallahu anhu, wa huwa sahih. Donc il est authentique, hein, quand on réunit toutes ces chaînes. Et il est authentifié par Sheikh Nasir al-Din al-Albani, le muhaddith, l'imam, le grand savant de notre époque, sans aucune contestation. Et il dit donc, comprenez bien, qu'Allah vous fasse miséricorde et qu'Allah vous bénisse, hein, comprenez bien ceci, parce que parfois, yani, on n'est pas capable de changer le mal, hein, on n'est pas capable de changer le mal, et donc, dans ce cas-là, on doit se limiter à le changer par le cœur. Hein. Si on n'est pas capable, si ça va créer plus de fitna, plus de mal, dans ce cas-là, on se limite à condamner par le cœur. Donc ça, c'est la question numéro 9. Et la question numéro 10, on va arrêter après ça. C'est la dernière question pour aujourd'hui. السؤال العاشر أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل يسأل ويقول هل يشترط في الرد على المخالف والتحذير منه أن يجتمع على التحذير منه والكلام فيه أهل العلم أم يكفي عالم واحد فقط؟ Donc ça c'est un point important. On a posé la question au Cheikh Ubayd hafizahullah. On lui a demandé, est-ce que c'est une condition pour pouvoir réfuter quelqu'un qui oppose la vérité, qui oppose la sunna, est-ce que c'est une condition pour le réfuter ou pour mettre en garde contre lui que tous les savants soient réunis dans la mise en garde contre lui et dans le fait de parler contre lui, ou bien que c'est suffisant qu'un seul savant ait parlé seulement? Est-ce que lorsqu'on veut mettre en garde contre quelqu'un ou réfuter quelqu'un, est-ce que c'est suffisant que un seul savant ait parlé contre lui, ou bien il faut que tous les savants soient d'accord et que tous les savants mettent en garde en même temps et qu'ils parlent tous contre lui? Donc le cheikh, il répond, il dit هذه قاعدة الجرح والتعديل وملخصها أن من علم حجة على من لم يعلم. وإذا حذر عالم من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل الأهواء أو من الجهال الذين لا يستحقون الصدارة في العلم والتعليم، وكان هذا العالم معروفا بين الناس بالسنة والاستقامة عليها وتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن نقبل كلامه ونحذر من حذرنا منه، وإن خالفه مئات ما دام أنه أقام الدليل وأقام البينة على ما قاله في ذلك المحذر منه، فهذا وسعنا، بل هو فرض فرضنا والواجب علينا، وإلا ضاعت السنة. فإن كثيرا من أهل الأهواء يخفى أمرهم على جمهرة أهل العلم ولا يتمكنون من كشف عوارهم وهدك أستارهم لأسباب. Donc le Cheikh il dit, ça c'est une règle dans qu'est-ce qu'on appelle al-jarh wa al-ta'dil, c'est-à-dire la science de la critique et de l'éloge. Hein? Et justement par rapport ici à ce principe-là, ça c'est un principe qui est connu, c'est une des sciences parmi les sciences qui sont reliées à la science du hadith. Hein, et yani, du fait de yani, catégoriser les différents narrateurs de hadith et également de distinguer qui sont ceux qui sont sur la sunna et qui sont sur la bid'a ou ceux qui ont des problèmes de différentes catégories comme ça. C'est mentionné dans les livres. Il y a des imams de la sunna, des imams de l'islam qui ont écrit des volumes hein, dans lesquels ils mentionnent les noms des narrateurs, les noms des savants, les noms des prêcheurs, et ils expliquent leur situation, leur état, qui ils sont, et ainsi de suite. Donc, ici, le cheikh dit ça, c'est une règle dans les questions qui ont rapport avec le jarh ou ta'dil. Et pour résumer cette règle, on va dire que celui qui a connu une preuve est à précédence sur celui qui ne connaît pas. Celui qui connaît une preuve a précédence sur celui qui ne la connaît pas. Hein? Ou bien celui qui sait est une preuve sur celui qui ne sait pas. Hein? On peut la traduire comme ça aussi. C'est-à-dire que s'il y a un savant hein, qui a mis en garde contre un homme et qu'il a ramené les preuves hein, à son sujet pour établir que c'est un individu qui fait partie des gens de la passion, ou parmi les ignorants qui ne méritent pas d'être placés au devant dans la science et dans l'enseignement, et que ce savant qui a averti contre lui et qui a mis en garde contre lui, c'est quelqu'un qui est connu parmi les gens comme étant un savant sur la sunna et qui est un savant qui se tient droit sur la sunna, accroché fermement à la sunna et sur la crainte et la piété d'Allah, la crainte d'Allah et la piété. Dans ce cas-là, nous acceptons sa parole et nous mettons en garde contre celui hein, contre qui il a averti, même s'il est contredit par une centaine de personnes ou par une centaine de savants, du moment qu'il a établi la preuve hein, et qu'il a établi l'évidence, yani que la personne contre qui il a mis en garde hein, est égarée. Donc c'est ce qui est obligatoire pour nous de yani, d'accepter ce que cette personne a dit à son sujet, parce que sinon si on n'applique pas cette règle, eh bien yani, la sunna va être perdue hein, la sunna sera perdue. Et il faut savoir que beaucoup il faut savoir que plusieurs d'entre les gens de la passion échappent, hein, leur état ou leur situation échappe à la majorité des hommes de science. Et ils ne sont pas tous capables de yani, dévoiler yani, les choses qu'ils cachent et yani, d'enlever le voile par lequel ils se couvrent pour différentes raisons. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est ça. C'est que les gens de bid'a, les gens de hizbiya, les gens d'égarement, En général, ils essaient toujours de cacher leurs égarements du public et de la masse. Ils ne le dévoilent pas à tout le monde. Et ils ne le dévoilent pas tout le temps à tout le monde. Donc, c'est possible que des savants ignorent la réalité de leur situation à cause de ça. Et que certains savants même, c'est possible qu'ils pensent du bien de certaines personnes, justement parce qu'ils n'ont qu'une connaissance générale ou une information générale à son sujet, mais ils ne connaissent pas, par exemple, les détails de ce que cette personne-là prêche dans ses cours, dans ses conférences, dans ses écrits, et ainsi de suite. Hein? Donc, comme par exemple, on a souvent parlé de l'exemple de Cheikh Rabi', hafizahullah, lorsqu'il a mis en garde contre Sayyid Qutb, et lorsqu'il a averti contre Sayyid Qutb et contre d'autres prêcheurs qui sont sur ces tendances. Hein? Eh bien, peut-être qu'il y a une dizaine, une centaine d'autres savants qui vont apparaître par la suite ou qui vont venir et qui vont dire « Non, Sayyid Qutb, il est bien. » Hein? Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la parole de celui qui dit qu'il est bien ou bien la parole de celui qui ramène les preuves et qui ramène les évidences tirées des livres de la personne en question qui montrent clairement que la personne a des déviations et des égarements? Donc c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut tenir, c'est de ça qu'il faut tenir compte. Hein? Par exemple, si toi, par exemple, tu connais un individu, hein, et tu le connais depuis une dizaine d'années, et que tu sais que cette personne, c'est une personne qui appelle au takfir, ou qui appelle à la bid'ah de Jamaat Tabligh, et qui a des bid'ah soufis et des choses comme ça, ou d'autres tendances, et tu le connais très très bien, et que tu vois par exemple quelqu'un qui est dans un autre pays, qui dit du bien de lui, hein, qui dit du bien de lui, qui dit « Ah oui, lui c'est quelqu'un, il est bien, il parle bien, il explique bien, il fait une bonne da'wah. » Est-ce que tu vas écouter ce que l'autre dit, hein, que c'est quelqu'un qui est bien, alors qu'il est à des kilomètres de lui, il ne le connaît même pas, et il parle de lui de façon générale par rapport à ce qu'il a entendu peut-être, tandis que, par exemple, moi qui est ici, qui le connais depuis des dizaines d'années, qui l'ai entendu parler, qui l'ai écouté, qui a lu ses livres, qui a lu ses écrits, et qui a mentionné toutes ses erreurs de façon détaillée avec la citation, avec la preuve, avec l'audio, avec la référence dans ses livres, et que j'ai tout établi ça avec clarification, et que j'ai montré ses égarements, est-ce que c'est moi qui mérite plus d'être écouté par rapport à cet individu, ou celui qui dit juste, oui, il est correct, ou il est bien? Hein? Donc, l'important, c'est ça. C'est la preuve. Et c'est pas qu'est-ce qui dit qu'il est bien. Même si celui qui dit qu'il est pas correct, c'est un petit talib ilm qui a pas beaucoup de science, mais qui ramène les preuves, et que celui qui lui fait une tazkiya, ou qui parle de bien à son sujet, est le plus grand savant dans le monde entier. L'important, c'est pas qui est-ce qui le dit, ou son niveau de science, l'important, c'est la preuve qu'il ramène, et qui montre que la personne, ce qu'elle dit, est basé sur des preuves, et des évidences, et des choses claires. Dans ce cas-là, tu peux pas le rejeter, peu importe qui a fait sa tazkiya, peu importe qui a parlé de bien en lui. Tu peux pas rejeter, hein, qu'est-ce qui est clair. Donc, ça c'est juste une note que je voulais clarifier par rapport à ce que le cheikh dit. Maintenant, on va lire pourquoi ou c'est quoi les explications qui font que certains savants parfois peuvent ignorer l'état de quelqu'un parmi les gens de bid'ah et que à cause de ça, certains savants par exemple ne vont pas parler contre un innovateur en particulier, justement parce qu'ils ne savent pas les détails à son sujet. Le cheikh il donne des différents exemples de ça et différents cas. Il dit premièrement منها البطانة السيئة التي تحول بين هذا العالم الجليل السني القوي وبين وصول ما يهتك به ستر ذلك اللعاب الماكر الغشاش الدساس البطانة السيئة حال لا يمكن أن يصل إليه شيء حتى أنها تحول بينه وبين إخوانه الذين يحبهم في الله فلا يستطيع أن يقرأ كل شيء. Donc il y a un exemple de ça. Parmi les exemples, pourquoi par exemple certains savants ne peuvent pas mettre en garde contre un individu parmi les gens de l'égarement. Une des raisons, c'est que ce savant qui est un grand savant sur la sunna et qui est fort sur la sunna est entouré par des gens mauvais qui empêchent les informations yani qui pourraient montrer la réalité de cet égaré là qui joue et qui est rusé et qui triche et qui se cache hein, et qui propage des égarements. Yani, eux, ils empêchent ces informations-là d'atteindre ce savant-là. Hein? Parce que si ces savants-là, si ces informations-là pouvaient l'atteindre, ce savant, hein, et s'il n'avait pas été entouré par ces individus-là qui yani, l'entourent et qui empêchent justement ces connaissances-là de l'atteindre, eh bien, il aurait lui aussi clarifié son égarement. Mais étant donné qu'il est mal entouré, eh bien, yani, c'est quelque chose qui empêche que yani, les informations lui parviennent. Hein, parmi les informations de ses frères qui l'aiment en Allah, donc il n'est pas capable de lire tout ce qui lui parvient. Deuxièmement, un autre exemple. أن منها أن يكون ذلك العالم ليس عنده وقت بل وقته كله في العلم والتعليم. Donc une autre raison pourquoi par exemple un savant en particulier pourrait ne pas mettre en garde contre un individu ou ne pas être au courant de son égarement, c'est parce qu'il n'a pas le temps, parce que tout son temps est consacré à la science et à l'enseignement. Donc à cause de ça, il n'a pas le temps de se renseigner ou de lire ou d'écouter tout ce que cet égaré-là a dit dans ses cours ou dans ses livres ou ainsi de suite. Donc ça, c'est une autre explication pourquoi certains savants ne vont pas mettre en garde contre certains égarés. Un autre exemple aussi, le cheikh dit « وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنْ هَذِهِ السَّاحَةَ يَكُونُ هَذَا الشَّخْصَ مَثَلًا فِي مِصْرِ أو فِي الشَّامِ أو الْمَغْرِبِ أو مثلًا فِي الْيَمَنِ مثلا اليمن وهذا العالم الذي في السعودية لا يدري عما يجري في تلك الساحة ما بلغه ثقة بما يجري في تلك الساحة والساحات فهو جاهل بحاله. Donc le cheikh il dit une autre explication aussi, et ça c'est quelque chose qui arrive souvent, hein, c'est que ce savant, yani cet individu qui a une erreur, il est ignoré, ce savant il ignore son état parce que cet individu égaré est dans un autre lieu, un autre terrain. Comme par exemple, cet égaré il est en Égypte, on va dire, ou en Syrie, ou au Maroc, ou au Yémen, ou ailleurs. Hein? Donc il est loin de ce savant, par exemple, qui est en Arabie Saoudite. Et donc, ce savant, par exemple, qui est en Arabie Saoudite, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ou qu'est-ce qui se dit chez cet individu-là qui appelle à l'égarement. Et il n'y a pas quelqu'un de fiable qui est venu lui transmettre ou lui expliquer ce qui se passe ailleurs dans ces endroits-là par rapport à cette personne. Donc, pour lui, cette personne, il ne connaît pas son état. Il est ignorant de son état réel à cause de ça. Hein? Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas mettre en garde contre lui, ou il ne peut pas réfuter ou avertir contre lui parce qu'il ignore la réalité de sa situation parce qu'il est loin. Hein? Et ça me rappelle, en passant, lorsque des gens, par exemple, qui sont, par exemple, en France ou aux États-Unis, ils propagent les discours et les conférences d'un individu qui fait des cours en anglais ou en français, et qui est dans un pays étrange que les savants ne connaissent pas, il demande, est-ce que les savants ont parlé contre lui? Ajib, subhanallah. Yani, la personne, il est dans une petite ville ou qu'il est dans un endroit loin, dans un autre pays, il ne parle même pas l'arabe, et il fait des prêches en anglais ou en français. Yani, dans sa ville, il n'est pas connu, et peut-être qu'il est devenu connu, par exemple, parce qu'il a mis des vidéos sur YouTube, et à cause de ça, les gens ont commencé à dire son nom et à propager ses enseignements, alors qu'il ne fait pas partie des ulama, il ne fait pas partie des tulab al-ilm, rien. Mais les gens ont propagé ça, et par la suite, ils te demandent, est-ce que les savants ont parlé contre lui? Alors qu'il a des égarements clairs. Hein? Ou bien, pourquoi tu le critiques? Il n'y a pas de savants qui ont parlé contre lui. Alors que lui-même, premièrement, il est déjà clairement allié avec les innovateurs il défend les gens de bid'a, il dit des paroles qui sont en opposition avec les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Après tu me demandes est-ce que les savants ont parlé contre lui. Les savants ne le connaissent même pas, et lui-même il est clairement sur la bid'a et sur la hezbiya. C'est pas comme s'il était salafi puis on ne savait pas c'est quoi son manhaj. Donc des fois les gens ils réalisent pas ça, ils prennent pas ça en considération. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ces situations-là? Comme le cheikh il explique ici, il mentionne, tu rassembles ces paroles, ces égarements et ces idées qui sont contraires à l'islam ou à la sunna, tu les mets ensemble, tu vas voir ce savant et tu lui transmets et tu lui expliques, ou tu les traduis en français, par exemple si c'est en français ou en anglais, tu les traduis en arabe, et tu les amènes voir, tu vas voir ce savant et tu lui amènes ses paroles et ses propos, et tu lui lis et tu lui demandes est-ce que cette personne-là est en accord avec la sunna ou non, et tu lui mentionnes des détails de son état, des détails de son état, par exemple c'est une personne qui par exemple défend les gens de l'égarement, il ne se tient qu'avec des hizbiyin, et ainsi de suite, et après tu vas voir le verdict à son sujet, et après le savant va le connaître, mais si les gens ne le connaissent pas, par exemple il y a beaucoup de gens qui demandaient par exemple à propos de certains individus, bon je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais pour comprendre, il y a certains qui demandent à propos de l'état de quelqu'un qui est au Maroc par exemple, qui n'est pas connu, parce qu'à la base il ne fait même pas partie des gens d'Ahl Sunna, il fait partie par exemple des soufis. Les savants ne le connaissent pas parce que premièrement il n'est pas connu déjà d'Ahl Sunna, il n'appelle pas à la Sunna, il appelle à la bid'a, il combat la Sunna dans son pays, et les savants n'ont jamais entendu parler de lui, sauf que les salafis là-bas savent tout de suite déjà clairement que c'est un innovateur et un égaré, donc après ils disent oui mais les savants ils n'ont pas parlé contre lui. Ça c'est un exemple, juste pour faire comprendre. Donc vous ramenez les égarements de cette personne, ses paroles, et ainsi de suite, et vous les amenez à ce savant, et vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire par la suite. Et le dernier exemple que le cheikh il mentionne, et on va terminer avec ça, il dit وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَالِمِ قَدْ نَمَا إِلَىٰ عِلْمِهِ وَتَعَلَّقَ فِي فِكْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلْ ثِقَةٌ عِنْدَهُ فَمَا اسْتَطَعَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ مَا كَشَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ للأسباب المتقدمة وغيرها ولكن نما إلى علمه سابقا أنه صاحب السنة وأنه يدعو إلى الله وكان إمامه يظهر السنة وحب أهل السنة والدعوة إلى السنة ويذكر قصصا من حياته ومصارعته للأفكار الفاسدة والمناهج الكاسدة ويأتي له بكتب سليمة وما درى عن دسائسه فإذا ماذا نصنع؟ نعمل على كلام ذلك العلم الذي أقام الدليل وأقام البينة التي توجب الحذر من ذلك الرجل من كتبه ومن أشرطته ومن شخصه. وأما ذلك العالم الجليل فهو على مكانته عندنا لا نجرحه ولا نحط من قدره ولا نقلل من شأنه بل نعتذر له ونقول ما علم لو علم ما علمنا لكان عليه مثلنا أو أشد منا والله أعلم نكتفي بهذا وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit, et il y a un autre exemple, c'est un savant qui a connu cet individu qui a des égarements, il l'a connu et il a connu comme étant pour lui quelqu'un de fiable. Et il a vu sa science augmenter et sa pensée et ainsi de suite, et il n'a pas été capable de découvrir les égarements ou les erreurs que cette personne-là a en lui et que d'autres savants ont découvert pour les raisons qu'on a mentionnées. C'est-à-dire que ce savant-là, il a connu cette personne dans le passé comme étant quelqu'un de correct, comme étant quelqu'un qui appelle à Allah et qui est sur la sunna et qui montre la sunna et l'amour des gens de la sunna et qui appelle à la sunna et ainsi de suite. Et c'est possible même que ce savant se rappelle par exemple de sa vie, des efforts qu'il a fait ou des luttes qu'il a eues contre des fausses croyances, des fausses méthodologies et ainsi de suite. Et il est possible aussi qu'il ramène certains de ses livres qui étaient corrects à l'époque ou des choses de ce genre, et il n'est pas au courant des erreurs et des égarements qu'il cache. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est l'attitude de certains parfois. Ils disent, il a dit du bien de lui et l'autre il a dit du mal de lui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme si c'était un gros problème, un gros dilemme. La question, c'est pas de savoir qui a dit sur lui et qui a dit sur lui. La question, c'est quoi? C'est de savoir c'est quoi les preuves qui ont été ramenées pour montrer que cette personne-là a des égarements. C'est les preuves qui comptent. C'est pas qui a parlé ou qui a dit quoi. C'est comme par exemple, si tu vois par exemple un soufi qui arrive et qui dit un tel a dit que le soufisme est bon. D'accord, tu dis que le soufisme est bon. Maintenant, je te ramène les livres des imams de la sunna et des ulama de l'islam qui te ramènent une énumération de tous les égarements et de toutes les bid'ahs qui se trouvent dans toutes les turuq soufiyya, avec les noms des livres, les pages et les auteurs et les différentes tendances qu'ils ont et les différentes croyances qu'ils ont et les différentes pratiques qu'ils ont, avec les preuves, les références audio, écrites et même des vidéos, qui te montrent comment ces gens-là sont égarés. Puis après toi tu me dis, oui mais un tel il a dit qu'ils sont bons. La parole d'un tel, même si c'est un grand savant, elle n'a aucun poids à côté de toutes les preuves que je viens de ramener. Et donc c'est pour ça qu'on ne suit pas quelqu'un pour lui-même, par sa parole à lui, mais on le suit par rapport à la vérité. Et s'il a ramené quelque chose qui est vrai et qui est supporté par des preuves, on doit l'accepter et le suivre, peu importe qui il est. Ce n'est pas une question de suivre aveuglément comme certains essaient de le prétendre. Ah, vous suivez un tel aveuglément. Non, on ne suit pas un tel aveuglément. Il a ramené des preuves. Il a ramené des citations et des références claires au sujet de ce qu'il dit pour accuser cette personne. Et on ne peut pas refuser ou rejeter ces preuves et ces explications-là et ces clarifications claires. Donc, le cheikh, il dit... Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le cheikh, il dit, on applique et on suit les paroles de ce savant qui a établi les preuves et qui a établi les évidences qui montrent qu'il faut faire attention à cette personne et s'écarter de ses livres et de ses cassettes, de ses audios et de sa personne également. En ce qui concerne le savant en question qui considère toujours cette personne-là comme étant quelqu'un de bien et qui refuse de le critiquer ou qui refuse de le mentionner comme étant un égaré ou comme ayant des erreurs, eh bien, étant donné que c'est un grand savant, on le respecte pour son statut et on le critique pas, et on ne va pas le diminuer de sa valeur, et on va l'excuser. On va pas le diminuer de sa valeur, mais on l'excuse et on va dire, si ce savant aurait su de cette personne ce que nous on sait aujourd'hui, eh bien, il aurait dit la même chose que nous, et même peut-être plus fort encore et plus dur encore que nous. Mais donc le cheikh dit, et Allah c'est mieux. Donc on se limite à ce qu'on a dit maintenant, et le cheikh il termine ses réponses et ses questions et réponses avec cette question là. Donc alhamdoulillah, donc ça c'est la question numéro 10. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis demain inshallah on continuera avec d'autres questions et réponses sur le manhaj qui ont été expliqués et clarifiés par le Cheikh Ubayd al-Jabiri sur ces sujets-là. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.